des cyborgs, des singes, des femmes et enfin des chiens. Voilà l'univers de Donna Haraway. Mais attention, quand je dis chien, ne pensez pas animaux de compagnie, mais espèces compagnes. De celles qu'on touche, qu'on caresse, qu'on embrasse, avec lesquelles on joue, on échange, on partage. Du plus grand des sentiments, l'amour, jusqu'à l'infime génome contenu dans notre salive. Aujourd'hui, avec Donna Haraway et sa chienne Cayenne Pepper, nous chantons donc des baisers mouillés. Mademoiselle Cayenne Pepper n'en finit pas de coloniser toutes mes cellules. Un cas flagrant de symbiogénèse. Je suis prête à parier qu'une analyse de notre ADN révélerait quelques puissantes transfections entre nous. Sa salive doit contenir les vecteurs viraux. Mais comment aurais-je pu résister à ses baisers mouillés? Je suis certaine que nos génomes sont plus proches qu'ils ne devraient l'être. Qu'importe si nous sommes deux femelles infertiles, l'une en vertu de son âge, l'autre suite à une intervention chirurgicale, les codes du vivant contiennent certainement une trace moléculaire de notre contact qui laissera son empreinte dans le monde. Sa langue souple et agile de berger australien rouge merle a nettoyé les tissus de mes amygdales et tous leurs avides récepteurs immunitaires. Qui sait jusqu'où mes récepteurs chimiques ont transporté ces messages ? Ou ce qu'elle-même a emprunté à mon système cellulaire pour distinguer le soi de l'autre et joindre le dehors au dedans. Nous avons tenu des conversations illicites. Nous avons entretenu des rapports oraux. Nous sommes contraintes de raconter une histoire après l'autre à l'aide des seuls faits. Nous nous dressons l'une l'autre à accomplir des actes de communication que nous maîtrisons à peine. Nous sommes constitutivement des espèces compagnes. Nous nous construisons mutuellement dans la chair. Partenaires réciproques dans nos différences spécifiques, nous sommes l'incarnation d'une vilaine infection développementale qui s'appelle l'amour. Cet amour tient autant de l'aberration historique que de l'héritage nature-culturel. Bonjour Vinciane Després. Bonjour Géraldine. Vous êtes philosophe, vous enseignez au département de philosophie de l'Université de Liège, vous avez travaillé avec Donna Haraway, vous avez écrit avec elle et on vous doit Habiter le trouble avec Donna Haraway, des textes que vous avez réunis et présentés avec Florence Kemax et Julien Pierron, c'est aux éditions du Dehors. Et puis vous avez aussi préfacé Manifeste des espèces compagnes de Donna Haraway, qui est disponible aux éditions Climat Flammarion. Alors on a entendu les toutes premières lignes qui ouvrent ce Manifeste des espèces compagnes. C'est un texte où on peut dire que toute la pensée de Donna Haraway sur les espèces compagnes est contenue. On y entend parler de mélange, d'amour, de traces dans le monde. On a le terme d'espèces compagnes. Et puis surtout, quand même, c'est un texte extrêmement provocateur. On commence véritablement, pardon pour l'expression, mais par un roulage de pelle avec sa chienne. Ouais, ce qu'elle appelle d'ailleurs dans un entretien qu'on avait eu, un entretien privé qu'on avait eu ensemble, elle m'avait dit c'est de la soft pornographie. Et je vous rappelle que l'émission de, c'était mardi où Thierry Hoquet est venu, lundi. Où Thierry Hoquet est venu, qui vous a quand même passé un passage de shortcut qui était quand même pas piqué des hannetons. C'était très très très joli. On voit l'ambiance de Donna Haraway un petit peu sensuelle, érotique. Alors, est-ce que c'est sensuel, érotique? En tout cas, c'est une ambiance qui est non innocente. Ça, c'est très très important chez Donna Haraway, et c'est une ambiance qui est dans le quotidien, dans les corps, dans les contacts, dans les zones de contact, bref. Alors, je pense que dans le texte qu'on vient de lire, en effet, il y a d'abord la part de provocation. Et c'est d'ailleurs intéressant, c'est qu'elle va reprendre ce texte qu'on ne fait normalement pas quand on est essayiste. Elle va le reprendre à l'identique dans le livre suivant qui va être, d'une certaine manière, le déploiement complet de ce petit manifeste, hein, parce que c'est un livre qui est assez court, hein, le manifeste, il fait, je crois, 180 pages ou quelque chose comme ça. Enfin, un peu plus de 180 pages. Et elle va le reprendre dans Quand les espèces se rencontrent, qui vient d'être traduit en français. Et ce texte, en fait, je vais dire, pour moi, il est exemplaire à la fois de cette provocation joyeuse espiègle. Alors, provocation joyeuse espiègle, vous savez, quand elle est arrivée en disant les chiens font partie, les chiens sont de grands féministes, les chiennes sont de grandes féministes. Déjà, pour les féministes, c'était quand même un morceau qui n'était pas facile à avaler. Donc, elle se rendait bien compte qu'elle venait avec quelque chose, vous savez, qu'on vienne avec des animaux sauvages, avec une meute, avec... bref, tous ces animaux. Louve, lionne. Lionne, oui, exactement. Des animaux un peu nobles, on pourrait dire. Un peu nobles. Et des animaux de nature. Et puis elle s'amène avec une chienne. Et elle s'amène avec sa chienne en plus. Donc même pas, je vais m'intéresser aux chiens. Non, je vais partir de ma chienne et de quelques chiens pour essayer de penser qu'est-ce que veut dire faire histoire avec des espèces compagnes. Et ce qu'elle appelle espèces de compagne, d'ailleurs, ça mérite d'être précisé, c'est pas des animaux de compagnie. D'ailleurs, il faut dire quand même que les deux textes dont nous parlons aujourd'hui, donc Manifeste des espèces compagnes, qui est paru en 2003, et Quand les espèces se rencontrent, qui est paru en 2008, ce Manifeste des espèces compagnes a d'abord été traduit par Manifeste des espèces de compagnie, et les éditions ont repris en fait le texte, l'ont réédité avec le bon titre. Avec le bon titre, et on avait bien insisté là-dessus au moment où on m'avait demandé cette préface, parce que justement si les chiens sont en effet des animaux de compagnie, des compagnons, ils font partie d'un ordre plus grand qui est celui des espèces compagnes, dont font partie le riz, les rats, les loups, bref. Le riz, vous avez dit ? Le riz. Ah, c'est elle qui, c'est Donna Haraway qui le dit, parce que nous avons coévolué, ou en tout cas certains d'entre nous ont coévolué avec le fait, par exemple, de manger du riz, de planter du riz, de se retrouver à pouvoir le faire ou pas. Donc, de certaines manières, le riz, pour ceux, par exemple, qui vivent avec du riz, a transformé et les gens. Et les rapports qu'ils ont avec leur milieu, avec l'alimentation, avec ce qu'ils digèrent, bref. Donc ce sont des espèces compagnes dans la mesure où, alors elle va rappeler companis, compagnons, c'est companis, c'est ceux avec qui on partage le pain, c'est ceux avec lesquels, et quitte à, parce qu'elle va oser aussi de ce côté-là, quitte à ce que à la table, certains des autres soient ceux qu'on va manger. Donc voilà, ça c'est. Alors dans le texte ici, pour y revenir, il y a quelque chose qui est très Donna Haraway, c'est qu'il y a des termes qui sont à la fois issus de la biologie et à la fois issus des sciences humaines, de l'histoire, etc. Elle parle de transfection, de vecteurs viraux, de symbiogénèse, voilà, de génome. Voilà. Et en fait, ce texte est une parfaite ouverture à son travail parce qu'on va trouver tous les thèmes qui vont être déployés et dépliés dans ce petit manifeste et qui se déplieront et se déploieront plus encore dans quand les espèces se rencontrent. Trace moléculaire de notre contact qui laissera une trace dans le monde. Ben, c'est quoi ça? Qui laissera une trace dans le monde qui est déjà une trace du monde. Alors, c'est d'abord l'importance du monde, être du monde pour Donna Haraway, c'est-à-dire on fait pas de la philo dans le cosmos, on fait pas des grandes abstractions, on est dans la boue du concret, dans le quotidien, dans les vrais rapports, dans de la chair. Ça, c'est une première chose. Quand elle dit nous avons comme contrainte de raconter des histoires à l'aide des seuls faits, c'est passionnant, rien que dans cette phrase. Vous avez, alors ça c'est typique aussi de Donna, c'est vous avez de multiples couches de signification. Elle va parler à un moment donné, elle a fait un très joli petit film sur National Geographic, très amusant, très bricolé, vraiment le film fait de briques et de brocs, mais qui est d'une drôlerie incroyable. Je parle de ça il y a 40 ans d'ici, hein, pratiquement. Eh bien, des histoires à l'aide de faits, elle va dire, à cette époque-là, elle va dire, en fait, nos histoires, ce sont des millefeuilles. Et au moment où elle raconte ça, elle prend un gâteau millefeuille, elle se met à manger devant la caméra avec la crème qui dégouline et tout. C'est du Donna Haraway, c'est-à-dire, on est dans le monde. Et la contrainte de raconter des histoires à l'aide des seuls faits, c'est quoi? Bon, ben, elle fait une référence au métier de journaliste sportif de son père, c'est-à-dire de journaliste sportif qui était son père, c'est-à-dire la nécessité de bien raconter un match, c'est-à-dire de créer des fictions à l'aide des seuls faits. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est une très bonne image, elle le dit, et d'ailleurs, on a dans le Manifeste des espèces compagnes de Donna Haraway, on a en fait tout un ensemble de passages en italique qui sont effectivement des récits qui sont enchâssés dans la partie, on va dire, plus théorique et qui effectivement sont hérités, nous dit-elle, de son père, journaliste sportif, qui, à partir de faits, donc un match avec tant de points marqué, tant de situations, tel vainqueur, telle défaite, à partir de ces faits, mettre en récit. Et on voit bien que mettre en récit n'est pas du tout contradictoire avec le fait de rendre compte de faits et, d'une certaine manière, de construire une science, et donc une science des espèces compagnes, de manière imagée, imaginaire, sensuelle, textuelle. Mmh. Alors c'est tout l'art de la fiction, hein, c'est tout l'art de la fiction, mais non pas comme fait d'inventer, c'est au contraire de mettre mettre en récit et je pense aussi chez Donna Haraway. Si, voilà, c'est ici peut-être que je vais prendre des libertés avec elle, mais avec allez-y. Avec elle, on peut. Je pense qu'on peut prendre ce genre de liberté. Mettre en fiction, c'est aussi. Alors ça, c'est vraiment l'art de Donna Haraway, un art auquel moi j'aimerais tellement parvenir. C'est elle part d'une situation et c'est ça le millefeuille et elle va la connecter avec une quantité invraisemblable de d'autres situations. C'est-à-dire que elle peut vous décrire, par exemple, à un moment donné, dans le manifeste, elle va décrire Willem, d'une montagne des Pyrénées. Et puis elle va décrire un berger australien. Et puis elle va connecter avec ses ancêtres, avec les questions de race qui sont tellement importantes quand il s'agit de chiens de race, avec toute la problématique évidemment des discours raciaux auxquels ça connecte. Et puis elle va connecter ça avec la conquête de l'Ouest. Tiens, ces chiens, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés aux États-Unis? Qui est-ce qu'ils ont accompagné? Quelles injustices ont été créées du fait de leur présence, ou en tout cas pas de leur présence à eux, mais ils gardaient des moutons. Tiens, qu'est-ce que ça signifiait ces moutons? Avec qui étaient-ils? Qu'est-ce que ça a à voir avec la conquête de l'Ouest alors qu'ils sont arrivés par l'Est, qui venaient d'Australie ou qui venaient des Pays Basques? Et on se retrouve comme ça, avec de multiples couches d'histoire qui connectent. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, on part d'un animal bien réel, avec des poils. Un animal qui peut, en effet, vous lécher la bouche et vous transférer des bactéries et des virus. Ce qui rappelle aussi l'intérêt, par exemple, de Donna Haraway, par exemple, pour les questions immunitaires. Comment est-ce que le discours immunitaire peut véhiculer des questions d'identité, etc. Et comment est-ce qu'on peut aussi le faire basculer, ce discours immunitaire, de façon à, par exemple, elle va le faire par exemple avec des gens comme Scott Gilbert, comme le biologiste, c'est-à-dire faire basculer ce discours immunitaire pour remettre en question la notion même d'individu, la notion d'individualité, la notion de soi fermé sur lui-même, en disant mais finalement, qu'est-ce qui compose nos génomes, qu'est-ce qui compose nos cellules, mais nous sommes à peuplés, nous sommes une véritable. Alors elle parle de consortium, à un moment donné, je crois que c'est plutôt dans le livre suivant qu'elle parle de consortium, nous formons des consortiums de bactéries, de virus, et moi je parlerais plutôt comme Raymond Ruy, de société, nous sommes des sociétés, nous sommes de véritables sociétés ambulantes, donc avec des limites évidemment très poreuses, puisque si vous êtes habité par quantité de bactéries qui peuvent vous faire du mal et qui peuvent aussi vous permettre de digérer le lait, d'être un bébé embryon, d'être un fœtus dans un ventre sans être rejeté, etc. Ce sont des questions absolument magnifiques qui rendent les frontières absolument peureuses et remettent totalement en question l'idée même qu'on puisse être un individu. Nous n'avons jamais été des individus, par exemple. Enfin, voilà, c'est... Les bols arrivent. Il faut commencer à digérer et envoyer les sucs. J'appelle tous les enzymes gastriques du secteur. Arrivez vite, la digestion commence. Oh lieutenant, mon lieutenant, colonie de bactéries en vue. Du calme, ce sont des Escherichia coli, nos meilleurs alliés, imbéciles. Qu'est-ce qu'on vous a donc appris à l'école? Et vous en verrez encore des milliers, des millions d'autres. Oh, de la cellulose, c'est à nous de jouer. Regardez ma chère, c'est de la peau de pomme, un vrai travail de bactéries. Alors, on se tricote quelques vitamines? Et que ferait-il si nous n'étions pas là pour fabriquer ces vitamines qu'on ne trouve pas dans les aliments? Dites-le-moi! Je ne sais pas, Vinciane Després, si vous connaissez donc cette série télévisée qui était réalisée par Albert Barillet, Il était une fois la vie. Vous la connaissez? Je pense que j'en ai entendu parler, mais je pense que j'ai vu des extraits. Je me demande si c'est pas des extraits justement autour d'une journée Donna Haraway qui avait eu lieu il y a des années. Ah ben alors voilà, on est connecté avec Donna Haraway. Donc là, on était véritablement avec dans un corps humain, en fait, avec des enzymes gastriques. Tout ça pour vous poser cette question, Vinciane Després, de cette cohabitation en fait avec des bactéries, avec des enzymes, avec des cellules, avec des molécules, avec des génomes. Est-ce que c'est la même chose en fait, ces espèces comme des bactéries et une espèce compagne comme un chien? Parce qu'on l'a bien entendu dans le premier texte, le chien de Donna Haraway, Cayenne Pepper, elle parle véritablement d'amour, il y a un échange, il y a des regards, elle parle d'histoires qui sont racontées, qui sont échangées. Avec mes bactéries, personnellement, je ne discute pas du tout et je ne sais même pas que la part de bactéries qui composent mon corps et ce qu'elles pourraient avoir à me dire. Alors, j'utiliserai peut-être un terme ici. Elle utilise le terme qu'on a, je ne sais plus comment on l'a traduit en français, c'est to truck with. Je pense qu'on pourrait dire faire commerce. Je pense que moi j'aime bien le terme faire commerce dans ces cas-là. C'est assez intéressant parce que nous sommes dans. Alors c'est pas du tout. On n'est pas du tout. Je pense que les relations commerciales, si on les, je vais dire, si on les sort de cette espèce d'horrible machine à fabriquer de la destruction qu'est le capitalisme, le faire commerce est quand même quelque chose de très joli. C'est le troc en fait. Et elle rappelle d'ailleurs le rapport étymologique de cette expression truck with avec le troc. Et il me semble que ici, on a quelque chose de très joli dans ce que vous proposez. C'est, il y a faire commerce et je pensais, moi, à faire conversation. Je me souviens, moi, par exemple, d'une autre amie de Donna Haraway, qui est Thelma Rowell, dont elle va parler. Je crois qu'elle en parle pas dans le manifeste, mais qu'elle en parle beaucoup plus quand les espèces se rencontrent. Qui est Thelma Rowell et qui, après, s'est intéressée à des singes. Et c'est d'ailleurs qui a valu leur rencontre par l'intérêt de Donna Haraway, que vous avez évoqué dans les précédentes émissions pour les primates. Je pense qu'avec Florence Kemax notamment, cette question est souvent revenue. C'est Thelma Rowell, après donc s'est intéressée aux singes pendant toute sa carrière, va s'intéresser aux moutons. Et je me souviens qu'un jour, Thelma Rowell me décrit une situation qui est en train de se passer sous nos yeux, où on voit un mouton se lever, pointer du museau, et puis d'autres moutons le faire, et puis à un moment donné, ils se lèvent tous et ils partent, parce qu'en fait, le premier avait dit « On va aller par là, il est temps de partir ». Et Thelma Rowell avait dit « Voilà, nous venons d'assister à une conversation ». Et je pense que c'est un très joli terme, à la fois le terme « faire commerce » et la conversation. Et c'est là peut-être en effet qu'avec les espèces compagnes, qu'elles soient bactéries ou chiens, dans toutes leurs différences et leurs spécificités, et c'est très important pour Donna Haraway, les différences et les spécificités, on n'a pas du tout, et vous avez raison, le même rapport avec les bactéries qui nous permettent de digérer ou qui peuvent parfois nous donner des indigestions, elles ne permettent pas de digérer, ou contrecarrent les processus nous pose problème. De digestion, et peuvent parfois un peu audacieuses dans la façon de nous mettre en risque. Mais en fait, nous sommes en commerce avec ces bactéries, et c'est-à-dire, nous sommes dans des relations d'échange. Elles ont besoin de nous, et nous avons besoin d'elles, et en même temps, et c'est très intéressant, ce sont des commerces de réciprocité non symétrique, comme avec les chiennes, comme avec les autres animaux qui deviennent des espèces compagnes. Et d'une certaine manière, on est en commerce, c'est-à-dire dans des relations de réciprocité non symétrique. Ça veut dire que parfois, il peut y avoir de l'exploitation, il peut y avoir que le fait qu'on ait mangé ou qu'on mange. Et cette réciprocité est de l'ordre, en effet, de la conversation. Je pense que même si les bactéries sont nous, c'est-à-dire que comment dire encore « je » si ce n'est un espèce de « nous » avec ces bactéries, il y a quand même des conversations et du commerce qui s'établit. Mais c'est vrai que c'est tout le paradoxe en fait de savoir chez Donna Haraway, et ça apparaît dès la question du cyborg, c'est-à-dire les êtres composites que nous sommes, jusqu'où en fait nous avons été nous-mêmes, puis finalement en fusion, en relation, en conversation avec d'autres que nous-mêmes, et nous sommes devenus ces autres que nous-mêmes, ou alors si dès le début, en fait, il s'agit pour elle de mettre au jour tout ce qui déjà nous compose. En fait, on a du mal à savoir, à trancher entre est-ce qu'on est des êtres individuels qui sommes rentrés en relation avec d'autres espèces, ou est-ce qu'on a toujours été d'autres espèces que nous, et il faut juste l'avoir en tête. Je pense que c'est la deuxième. Je pense qu'on est parti là. Enfin, on peut partir. L'intérêt de partir sur la deuxième solution permet de comprendre certains aspects du texte de Donna Haraway, et notamment le fait que, par exemple, elle va tellement insister sur le travail de Lynn Margulis et qui qui est une biologiste, notamment les idées de ces échanges, de ces hybridations. L'idée, par exemple, que la vie sur Terre, elle était c'est l'objet de tout un travail de bactéries, un travail de bref. Et elle va contester Lynn Margulis sur un point. Et sur le point qu'elle va contester, c'est le point de l'autopoïèse de la cellule, enfin, et du vivant. C'est-à-dire donc le fait de s'autogénérer, de s'autocréer. De s'autogénérer et d'avoir besoin de certains apports d'énergie pour pouvoir se maintenir dans l'existence. Et Donna Haraway va dire, non, ça c'est peut-être le seul point où je ne suis pas d'accord avec elle et avec Dorian Sagan, qui est son collaborateur et le fils de Lynn Margulis. Et elle va reprendre avec l'idée, avec Scott Gilbert, notamment toute une longue conversation où elle va plutôt, ils vont proposer plutôt des sympoïèses ou des symbiogenèses. Mm-hmm. C'est-à-dire l'idée, il n'y a aucun être qui peut être dit autopoïétique. Et donc, dès l'origine, c'est dans les échanges. Alors, c'est intéressant aussi, parce que quand on reprend le premier texte qu'on a écouté, d'une certaine manière, toutes ces histoires de transfection, de vecteurs viraux, etc., c'est de ça dont elle est en train de parler, c'est-à-dire que la vie n'est, ne, peut être décrite comme Darwin le proposait par des systèmes de filiation. On peut en effet penser les systèmes de filiation et faire histoire selon le modèle un peu arborescent auquel nous sommes habitués quand on pense l'évolution. Mais elle va dire, mais parallèlement et même de manière beaucoup plus importante, ce sont des histoires de transfection, des histoires des rhizomes, des symbioses, des commerces donc vous entre voulez dire, des êtres hétérogènes. Donc vous voulez dire de manière beaucoup moins schématique, enfin de manière plus schématique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser seulement l'évolution de manière selon la filiation, c'est-à-dire de manière verticale. Mais aussi de manière horizontale, où on aurait une espèce en fait de prolifération d'expériences adjacentes en fait ou alternatives. Voilà, où les choses se mélangent, ne cessent de s'entrelacer, de se transfecter, on pourrait presque dire, etc. Par exemple, on avait évoqué, je pense, ma collègue Florence Kemax qui avait évoqué le travail de Natacha Meyers et Carla Hustak, notamment à propos des orchidées. Bon, mais oui. On est aussi dans des phénomènes de coévolution. Alors, le modèle paradigmatique, dira Donna, c'est bien sûr le joli modèle de l'abeille et de l'orchidée, de l'abeille mâle et de l'orchidée, etc. Mais en fait, elle dit non, la coévolution, ça va beaucoup plus loin que ça. Ce sont des mises en rapport constants et qui ne sont pas nécessairement des mises en rapport romantiques. Ça peut être en effet des digestions et des indigestions. Ça peut être des infection, mais ça fait partie même de ce qui fait, d'une certaine manière, le cœur, le nœud de la vie. Mon chien, qui est vieux, le chien avec qui j'ai pratiqué l'agilité, un chien de berger, ceux qui guidaient les moutons lors de la conquête de l'Ouest. Son héritage et le mien sont tous deux blancs, pas comme couleur, mais comme dispositif. Et ce qu'elle fait maintenant est un dysfonctionnement cognitif. Elle est un tout petit peu sénile. Et elle se met à aboyer un peu confusément en fin d'après-midi. Elle ne sait pas trop quoi faire avec elle-même. Et ce que j'entends, c'est ma vieille amie, un peu confuse. Les différences de durée de vie entre une femme et une chienne, alors que nous avons brillé ensemble pendant 10 ans, aujourd'hui elle est vieille comme je ne le suis pas encore. Et mon obligation est d'accompagner mon amie, comme des espèces compagnes qui s'accompagnent l'une et l'autre à travers ce moment qui inclut un peu de confusion mentale pour mon chien. C'était un extrait de Donna Haraway Storytelling for Earthly Survival, un documentaire de Fabrizio Terranova qui est sorti en 2016. Fabrizio Terranova, avec lequel vous avez aussi travaillé, Vincent Després. Alors, on a entendu la voix de Donna Haraway, mais on a aussi entendu sa chienne, Cayenne Pepper, qui aboie, dit-elle, de manière un petit peu erratique, disruptive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle insiste beaucoup sur cette idée de compagnonnage. Alors peut-être qu'il faut quand même revenir sur cette idée, non pas seulement d'espèce, c'est-à-dire que désignent les espèces dans ce terme, dans cette expression d'espèce compagne, mais aussi compagne en fait. Qu'est-ce qu'on partage? Est-ce que c'est véritablement du partage conscient ou pas? Est-ce que c'est véritablement une communication? En fait, comment désigner ce partage-là? Est-ce qu'il est uniquement biologique ou est-ce qu'on pourrait aller du côté presque moral ou politique? Alors, morale, je pense que Donna Haraway, s'il y a bien quelque chose, moi, qui m'a terriblement séduit chez elle et qui unit quelques femmes de notre entourage, par exemple d'Isabelle Stengers, c'est elle démoralise. Je pense que, par exemple, j'étais tellement contente de votre choix de texte, comme des roulades de patins, comme vous disiez. Des roulades de pelles. Des roulades de pelles, on dit des patins, nous, en Belgique. Donc, ah oui, aussi, ça peut. Voilà. Entre une chienne et une humaine, c'est que vous démoralisez quand même très sérieusement la question. C'est-à-dire que, d'une part, elle va déployer une question pleinement politique dans tout son travail, à partir de qu'est-ce que je touche quand je touche un chien. C'est ça qui est important. Et toucher, ben, ça peut prendre en effet. Et elle va donner la forme la plus quotidienne, la plus outrageante à certains égards de ce que veut dire toucher. Parce que c'est ça la question. La plus triviale, on pourrait voilà, dire. La plus triviale, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire toucher un chien? Qu'est-ce que je touche quand je touche un chien? C'est ça la question qui va guider tout son parcours et qui va lui permettre en effet de connecter des multiples niveaux d'histoire. Alors ici, on est en plein votre question touche finalement à quelque chose qui a été très souvent évoqué pendant les émissions précédentes de la semaine, c'est-à-dire Donna Haraway, c'est des natures-cultures. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de nature. Je veux dire qu'il y a quand même une position qu'on peut aussi tenir. La nature, c'est une construction purement sociale, historique, etc. Donna, elle ne va pas accepter ça. Et je crois que c'est Florence qui avait bien insisté là-dessus aussi. Non, non, il y a des choses, il y a de la matière, il y a des êtres, il y a des animaux, mais ils sont... Et c'est ça, en fait, que Thierry Haut avait bien mis en scène. C'est, en fait, il n'y a pas moyen de séparer. Est-ce qu'un chien est un être naturel ou un être culturel? Allez savoir. Pourquoi est-ce qu'on dirait, par exemple, que si on explique que Donna est en train de vieillir, mais que son vieillissement, la ménopause, etc., sont, d'une certaine manière, des façons culturelles de déterminer, de ménager, même s'il y a des hormones, etc., d'un côté que ce serait culturel du côté de Donna, et que du côté de sa chienne, ce serait naturel. Et donc, Donna ne va pas va dire, mais en fait, il y a bien sûr des dimensions culturelles, des dimensions naturelles, mais elles sont tellement imbriquées l'une dans l'autre, qu'on ne peut plus parler que de nature-culture. Et néanmoins, quand même, j'ai cette question, Vinciane Desprez, qui est qu'au tout début, Donna Haraway, enfin dans les années 80, elle a travaillé sur la figure du cyborg, qui est vraiment une figure hybride, très moderne, archi-moderne, faite de nouvelles technologies. On voit tout de suite, on a tout de suite en tête des robots, des hommes et des femmes augmentés. Avec le chien, on a l'impression qu'elle revient à une forme de naturalité. On a l'impression qu'elle revient, qu'elle exclut le côté moderne, nouvelle technologie, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus organique. Est-ce qu'on pourrait dire, et bon, je crois que je connais déjà un peu la réponse, mais qu'il y a une sorte de retour au naturel chez elle? Oui, non, c'est tout le contraire. En fait, et vous avez raison de l'amener en disant que elle va dire à un moment donné, je crois que c'est dans le manifeste, elle va dire, en fait, le cyborg ne me permettait pas d'aborder certaines dimensions. Politique, justement, ou plutôt biologique? Et politique, et anthropologique, et historique, et culturel, et naturel. Bref, le cyborg ne permettait pas de poser certaines questions, notamment la question de la relation affective. Je pense que c'est, voilà, là peut-être que je suis en train de simplifier peut-être un peu trop, mais je crois qu'elle serait aussi d'accord. C'est-à-dire la relation extrêmement concrète de l'amour. Parce que c'est ça. Je pense que si je me souviens bien, parce que je connais moins bien le travail avec les cyborgs, et c'est avec Thierry qu'il faudrait poser cette question. La question quand même, c'est quand elle termine son texte, le tout début de son livre, en disant nous sommes atteints d'une maladie infectieuse terrible qui s'appelle amour. Je ne sais plus très bien. Attendez. Cet amour. Oui, voilà, c'est ça. Partenaire réciproque dans nos différences spécifiques. Nous sommes l'incarnation d'une vilaine infection développementale qui s'appelle l'amour. Cet amour tient autant de l'aberration historique que de l'héritage nature-culture ou nature-culturelle. Ben voilà, on y est. Et elle dira, le cyborg ne me permettait de poser plein de problèmes, de repenser, de créer, d'explorer ces mille feuilles d'histoire, de faire les ramifications, mais il y avait des lieux où je pouvais pas aller avec les cyborgs. Et sa chienne va venir, donc une relation très concrète, va venir non pas du tout comme un... Parce que, alors, c'est ça aussi, c'est pour elle, donc les chiens n'ont rien à voir avec une espèce de nature que seraient les animaux. Et d'ailleurs, dans le livre « Quand les espèces se rencontrent », elle va illustrer à un moment donné son texte par une petite vignette qui représente des loups dans la forêt. Et il y a une louve ou un loup qui est en train de s'approcher et qui a des balises autour du cou. C'est-à-dire que c'est un loup qui a été pucé, comme beaucoup d'animaux sauvages le sont pour le moment. Et un des loups dira, on ne sait pas, elle errait à la lisière de la forêt. Donc ça veut dire, bon, elle vient de chez les hommes. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet être, finalement, qui est pétri de nature-culture, que sont ces loups aujourd'hui, surveillés, pucés, balisés? Et Donna ne va pas du tout avoir une perspective romantique par rapport à, oh mon Dieu, biopouvoir, etc. Elle n'a pas du tout une perspective critique. Elle veut simplement décrire et décrire le mieux possible le monde dans ses dimensions historiques, politiques et éthiques. Les chats, les chiens. Le problème, c'est que ce sont des animaux familiers et familiaux. Et c'est vrai que les animaux familiers ou familiaux, qu'ils soient apprivoisés, domestiqués, j'aime pas. Qu'est-ce qui m'est déplaisant, ben, j'aime pas les frotteurs, déjà. Un chat passe son temps à se frotter contre vous. J'aime pas ça. Un chien, c'est autre chose. Alors, ce que je reproche fondamentalement au chien, c'est d'aboyer, quoi. L'aboiement m'apparaît vraiment, mais le cri le plus stupide, quoi. Ben, l'aboiement, c'est vraiment la honte du règne animal, quoi. En même temps, ce que je dis, c'est complètement idiot, parce que Les gens qui aiment vraiment les chats et les chiens ont évidemment un rapport avec les chiens et les chats qui n'est pas humain. Je sais ce que je dis parce que j'habite une rue là, qui est une rue un peu déserte, et où les gens promènent leurs chiens. Ce que j'entends de ma fenêtre est proprement effarant. Effarant la manière dont les gens parlent à leurs bêtes. Mais généralement, encore une fois, les gens qui aiment les animaux n'ont pas un rapport humain avec l'animal, ils ont un rapport animal avec l'animal. Et là, c'est très beau. Alors, c'était bien sûr la voix de Gilles Deleuze, son abécédaire A comme animal, le documentaire de Pierre-André Boutan, qui date de la fin des années 80. On a entendu la détestation, le mépris même de Gilles Deleuze pour ses animaux familiers, familiaux, le pire étant l'aboiement du chien. Mais néanmoins, il reste quand même, il faut le dire, il faut le souligner, Vinciane Després, il reste quand même très attaché, il remarque cette relation animal-animal. On dirait qu'il est fasciné, en fait, par ce langage que développe un maître et son chien, et on pourrait dire quand même, on pourrait nuancer le mépris de ses propos par cette dernière affirmation qui est « c'est très beau ». C'est très beau quand même ce qui se passe entre un maître et son chien, ça dépasse toutes les rapports humains, on est vraiment dans la pure animalité. Est-ce qu'on retrouve là, dans cette fascination pour le rapport animal-animal, quelque chose qu'essaie de décrire Donna Haraway? Alors c'est un coup de colère que Donna Haraway va prononcer. Elle ne partage rien avec Gilles Deleuze. Alors, elle partage énormément de choses. Elle dit c'est vraiment un allié. Sa critique du capitalisme, sa critique de la psychanalyse, tout ça c'est vraiment Félix Guattari et Gilles Deleuze. Vraiment c'est formidable. Je pouvais compter sur eux. Voilà, ils nous ont offert des outils, des critiques, etc. Bon. Mais là, pour le coup, cette histoire d'un moment dire, parce que Deleuze le dira aussi. Dans ses écrits, dans Mille Plateaux, les gens qui aiment les chiens et les chats sont des cons. Là, elle dit, c'est dramatique. Alors, d'autres auteurs, elle va reprendre, alors je parle ici de quand les espèces se rencontrent, elle va dire d'autres auteurs vont bien sûr critiquer cette dimension chez Deleuze. Mais ce qu'elle va dire aussi, c'est qu'en fait, ce qui la gêne en plus, c'est d'un côté cette espèce de fascination pour le sauvage. Et donc c'est la meute de loups, mais pas les chiens. C'est l'animal sauvage, etc. Et elle dit, d'une part, cette fascination pour le sauvage, donc le devenir animal de l'humain, mais c'est quoi le devenir animal de l'humain? C'est une expression de Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux. Alors, elle va dire, mais c'est une expression qui n'a rien à voir, alors, ni avec le quotidien, ni avec des relations réelles, concrètes, dans la chair. Et elle dit finalement, ce qu'elle va reprocher à Mille Plateaux, à Deleuze et Guattari, c'est ce mépris, elle le dit comme ça, pour le quotidien, l'ordinaire et la vieillesse. Ce que elle dit, voilà, et donc cette espèce de, et elle va leur reprocher en même temps de dire, d'une certaine manière, ils ne parlent que des animaux abstraits. Alors ça, c'est intéressant, parce que je suis moi-même enragée quand je lis des trucs comme ça. En effet, ce mépris pour le quotidien, pour l'ordinaire, pour des relations, même si elles sont parfois un peu sentimentales, mais ces relations... Oui, et de l'extérieur peuvent sembler ridicules, c'est-à-dire qu'on n'accède pas à l'intimité des relations. Toujours de l'extérieur, les relations auxquelles on ne participe pas peuvent paraître ridicules. Moi, j'ai travaillé quand même pas mal de temps sur la manière dont les gens continuent à entretenir des relations avec leurs morts. De l'extérieur, ça a l'air complètement cinglé, et les gens le savent, parce qu'ils ne sont pas idiots, justement. Donc, c'est intéressant. Alors, je veux dire, c'est intéressant que, d'une certaine manière, Deleuze, ce mépris pour le quotidien, pour le banal, alors, ce que dit Donna Haraway va dire, c'est donc un intérêt, une fascination pour les animaux abstraits, sans aucun contact réel, parce que l'émeute de loup, bonjour, mais c'est pas vrai, bon, ça fait pas partie de nos contacts, ça fait pas partie de nos conversations. Alors, c'est vrai qu'il y a une proximité, quand vous disiez, tiens, mais avec les bactéries, et avec le chien, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai, les conversations ne sont pas sur le même registre. Il y a des différences dans la manière de faire conversation. Et donc, cette fascination pour les animaux abstraits, et là, on va retrouver Jacques Derrida, qui va aussi, d'une certaine manière, faire, non pas à Deleuze ce reproche, mais à toute l'histoire de la philosophie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, elle va dire... attendez, il faut que je le retrouve. Donc, fascination pour les animaux abstraits. Oui, c'est moi qui, à ce moment-là, mettais une nuance. c'est que moi, en train, je voulais pas lire Deleuze et Guattari. À cause de ça? À cause de ça. Enfin, oui, j'avais commencé à lire, mais à cause de ça, je me disais, s'il parle des animaux, ça va me faire grimper au plafond. C'est pas possible. Je vais m'énerver. Et puis, j'ai découvert que ce que Donna leur reproche, et elle le reproche pour ce point-là. Donc, il faut pas en faire une généralité. Elle le reproche en disant, là, il y a une fascination pour les animaux abstraits et aucune connaissance et aucun contact, aucune curiosité par rapport aux animaux concrets. Mais je dois dire que par ailleurs, quand j'ai travaillé sur les oiseaux territoriaux, lire Deleuze et Guattari, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a extrêmement bien aidé parce que là, ils connaissent bien leur affaire. Là, alors, il faut une différence, ça veut dire, entre presque les animaux du quotidien et les animaux, on pourrait dire, soit comme figure abstraite de la philosophie, alors ça va être l'animal-machine de Descartes, soit comme des figures mythologiques, la meute de loups, soit alors, on va dire, les animaux majestueux, le sublime de l'oiseau, c'est ça? Alors, c'est ce que Donna Haraway le reproche, mais là, pour le coup, c'était pas le sublime de l'oiseau. Je veux dire, donc, moi, en étudiant les ornithologues, et puis en allant voir chez Deleuze et Guattari comment ils allaient m'aider à penser l'histoire de l'ornithologie, je trouvais des auteurs qui étaient vraiment dans le concret de ces animaux, qui étaient dans le chant, qui étaient dans la parade, qui étaient dans l'arpentage du territoire. Donc ça veut dire que le reproche qu'elle leur fait, elle n'a pas tort de le faire, mais je pense que si on va ailleurs que chez les animaux familiers, à ce moment-là, quand ils reprennent la main sur ces questions-là, ils sont extraordinaires. Alors pourquoi les animaux familiers et familiaux? Parce qu'en fait, le problème de Deleuze et Guattari, c'est évidemment le problème de contester l'omniprésence et d'une certaine manière le discours de surplomb et le discours extrêmement, un peu sclérosé, on va dire, de la psychanalyse et du Freud, par exemple, qui, quand l'homo loup lui parle de loup, il entend chien et il entend papa, maman, Édipe. Donc je fais très vite. Donc ça veut dire que c'est une critique à la des modèles de la psychanalyse qui sont des modèles politiquement très chargés de, d'une certaine manière, de la famille mononucléaire, de la famille biparentale, bien pensante, etc. Donc, je vais de nouveau très vite. Et là, Donna Haraway va leur dire, et comprend que c'est cet enjeu-là qui est en question dans, d'une certaine manière, cette espèce de mépris pour, en fait, le chien, le fifi, à sa mémère, c'est ça en fait. C'est-à-dire pour le fait qu'on réintroduit les animaux de compagnie dans des schèmes, d'une certaine manière, d'une parentalité rigide, sans imagination, sclérosante, etc. Enfin bon, c'est, d'autres termes pourraient encore venir égayer cette histoire. Et là, il est vrai que c'est vrai que c'est là où probablement c'est problématique. Mais là, Donna Haraway va réfléchir et va dire, mais peut-être aussi, je la pousse un peu plus loin peut-être, mais c'est peut-être aussi dans ses relations avec ces animaux, pourquoi est-ce qu'on les traite en effet comme des pourquoi est-ce qu'on est dans des schèmes parents, enfants, etc. Bon, ben parce que ce sont les schèmes en fait qui nous permettent de penser des relations pour lesquelles il n'y a pas vraiment de vocabulaire. Et peut-être qu'il faut réinventer des mots. Alors, de ce côté-là, moi je dirais que Donna Haraway est en train de nous aider. Pourquoi? Parce que quand elle va dire plus tard dans le livre « Vivre avec le trouble »,« Making not babies », ça veut dire faites des parents. Moi, j'adore cette traduction qu'a proposée le traducteur de Vivre avec le trouble. C'est faites des enfants, pas des faites des parents, pas des enfants. Ça veut dire quoi? Faites des parents, pas des enfants. Mais ça veut dire créer de nouveaux schémas d'apparentement et pas seulement de parents, mais d'apparentement qui vont d'une certaine manière renouveler les relations qu'on peut avoir et notamment des relations en rapport avec la question de la justice reproductive, c'est-à-dire avec le fait qu'on est trop nombreux, avec le fait de faire des enfants, la possibilité d'en faire ou le choix de ne pas en faire et de trouver d'autres modalités de transmettre. Et je pense que par exemple quand Cayenne Pepper, donc Mrs. Cayenne Pepper, la chienne, est la filleule de Marco, qui est lui-même le filleul de Donna parce qu'il est le fils d'une de ses amies et de sa voisine et que Donna a choisi de ne pas avoir d'enfant, on est dans ces créations de nouveaux régimes d'apparentement. Les gens comme moi sont liés par leurs chiens aux droits de souveraineté des peuples indigènes, à la survie économique et écologique de l'élevage en ranch, aux réformes radicales du complexe industriel de la viande, à la justice raciale, aux conséquences des guerres et des migrations, et aux institutions de la technoculture. Tout cela demande de s'entendre mutuellement. Quand la pure race cayenne, le mélanger Roland et moi, nous nous touchons, nous incarnons dans la chair les connexions entre tous les chiens et les humains qui ont rendu notre contact possible. Quand je caresse Willem, le voluptueux montagne des Pyrénées de ma voisine Suzanne Caudill, je touche en même temps les loups gris canadiens et les élégants ours slovènes réhabilités, l'écologie restaurative internationale, les expositions canines, ainsi que les économies pastorales multinationales. En plus du chien complet, il nous faut accéder à l'héritage complet, qui est en fin de compte ce qui permet de réunir les espèces compagnes au grand complet. Sans surprise, tous ces « tout » sont des nœuds non euclidiens faits de connexions partielles. En investissant cet héritage sans feindre l'innocence, nous pourrions atteindre la grâce créative du jeu. C'était un extrait des manifestes des espèces compagnes de Donna Haraway, interprété par Hélène Losser. C'est un texte que vous citez, Vinciane Després, avec lequel vous ouvrez même votre préface à ce manifeste des espèces compagnes, parce qu'on entend véritablement cette idée de toucher, le mélanger. Nous incarnons dans la chair les connexions entre tous les chiens et les humains qui ont rendu notre contact possible. Quand je caresse Willem, le voluptueux chien, montagne des Pyrénées de ma voisine, je touche en même temps les loups gris canadiens. Alors on a parlé déjà de la dimension politique, mais là il y a presque quelque chose de plus que la politique, parce que la politique, après tout, ce sont des lois, ce sont des règles, ce sont des choses énoncées, et là il y a presque quelque chose de beaucoup plus implicite dans le contact. Et il faut vraiment revenir peut-être sur le toucher, en fait, sur le contact, sur lesquels toujours insiste Donna Haraway à travers tous ses textes. Alors, d'abord, il y aura dans le livre, quand les espèces se rencontrent, tout un chapitre sur les zones de contact. Voilà, c'est-à-dire les zones où, je veux dire que s'il y a bien quelque chose sur lequel, dans l'émission, on a bien insisté les jours précédents, c'était, il n'y a pas de téléologie chez Donna Haraway. Il n'y a pas de grand récit, etc. Deuxièmement, il y a toujours des connexions partiales et partielles. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de tout. Ça n'a aucun intérêt. Donc les histoires qui font un tout, de nouveau les grands récits ou les grandes causalités, etc. Alors ça c'est vraiment très intéressant. Donc c'est quand je touche un chien, qu'est-ce que je touche? Mais d'abord je touche un chien. Donc je touche un chien et donc je touche un être fait de chair, d'histoire, d'affect. Bref, on va pas revenir là-dessus et c'est on va pas revenir non plus sur la façon dont elle en veut à Deleuze et Guattari. Alors deuxièmement, quand je touche un chien, qu'est-ce que je touche? Et là, dans ce texte, en quelques lignes, elle va déplier de manière incroyable, et elle va déplier exactement les trois dimensions qui vont conduire la trame de ce petit livre, de ce pamphlet. Et les trois dimensions, c'est, elle va dire, un, elle va déplier trois échelles, ce qu'elle appelle trois échelles spatio-temporelles. La première, c'est l'histoire de l'évolution. Hein, bon ben ces chiens, comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés? Est-ce qu'on peut faire une différence entre sélection naturelle et sélection artificielle? Non, diront certains. La sélection pour parce que de nouveau faire la différence entre sélection naturelle et sélection artificielle, c'est de nouveau dire il y a de la nature d'un côté, il y a de la culture de l'autre, alors que d'une certaine manière c'est tout le temps complètement embrouillé, emmêlé. Une deuxième dimension spatio-temporelle, celle des telles, et alors je la cite, celle des histoires d'amour et de dressage qui honore le monde dans ses détails irréductibles et personnels. Et donc c'est là où je touche le chien, je touche quelque chose qui touche à une histoire d'amour et de dressage, parce qu'elle va dire à un moment donné, ma chienne et moi, nous nous dressons mutuellement, c'est très très très beau ça. Et donc dans ces détails, d'une certaine manière, irréductibles et personnels, donc, les faits, rien que les faits, et de l'amour. Voilà. Bon, ça c'est la dimension spatio-temporelle du quotidien, des histoires d'amour. Et puis la troisième dimension spatio-temporelle, c'est celle du temps historique. Et alors elle dit, à l'aune des décennies et des siècles, des populations et des nations, c'est-à-dire dans les contrastes notamment entre local et global. Alors, dans le texte qu'on vient de lire, eh bien, c'est exactement ça dont il est question. Les gens comme moi sont liés par leurs chiens au droit de souveraineté des peuples indigènes, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans la conquête, comment est-ce que ces chiens ont accompagné dans la conquête de l'Amérique, comment est-ce qu'ils ont suivi les chercheurs d'or, comment est-ce qu'ils ont gardé les troupeaux, comment est-ce qu'ils sont entrés en relation, enfin bref, toute cette histoire, ces chiens en sont porteurs et on ne peut pas l'oublier, pas d'amnésie ici. Tout ça demande de s'entendre mutuellement. Et puis elle parle quand elle parle la pure race cayenne et le mélanger Roland, ça veut dire un bâtard. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça connecte avec toute l'histoire raciale, toute l'histoire du racisme, etc. De dire d'un chien qu'il est une pure race, d'un autre chien qu'il est bâtard, qu'est-ce que ça signifie? Donc tout ça va entrer en connexion aussi avec quantité d'histoires qui nous habitent et que nous ne pouvons ignorer, que nous devons absolument déplier pleinement. Et puis quand il dit genre, quand elle dit je caresse ou il aime le voluptueux, on est dans la dimension spatio-temporelle, on est fait de l'amour. Et donc c'est ça de Naraoué, c'est ce millefeuille où ces trois dimensions, c'est-à-dire à la fois une histoire politique, une histoire d'un héritage dont il ne s'agit pas d'être coupable, parce que la culpabilité ne va jamais nous aider. La culpabilité pour de Naraoué, c'est un sentiment narcissique. À la rigueur, la honte pourrait venir ici. Mais c'est même pas ça, c'est la responsabilité. Comment sommes-nous responsables par rapport à ces histoires? Comment est-ce que nous devons d'abord les raconter, ne jamais les oublier, les rendre visibles? Eh bien, un berger australien, d'une certaine manière, porte toute cette histoire, et pour qu'une histoire, elle dira à un moment donné, pour qu'une histoire d'amour soit vraiment possible et honnête entre nous, nous ne devons pas être amnésiques par rapport à toutes ces histoires-là. Et ça, c'est terrible, c'est que, je veux dire, c'est là l'étonnant geste de de Naraoué. Comment, au départ d'un amour pour un chien, on arrive à déployer, qui est quand même un lieu qui a l'air si peu politisé, qui a l'air tellement dépolitisé, on arrive comme ça à se connecter avec des questions intensément politiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réponse, en fait, la condition animale est un thème qui est investi par la philosophie, politique, par des mesures politiques, mais à chaque fois investi en termes de souffrance animale, ce qui est une dimension finalement qu'on ne trouve pas chez Donna Haraway, parce que tout commence justement par l'amour. Il y a un autre philosophe qu'elle critique au-delà de Gilles Deleuze, qui est justement Jacques Derrida, où elle dit, il a posé la bonne question. C'est-à-dire qu'il s'est intéressé aux animaux, il leur a redonné une forme de souveraineté. En revanche, la réponse qu'il a apportée, et qui était celle de la souffrance, qui est un thème d'ailleurs qui revient depuis les utilitaristes, depuis Jérémy Bentham, pour elle n'est pas du tout une réponse qui convient. Voilà. Alors, elle va préciser. Donc, elle va en vouloir à Derrida. Elle va dire « c'est un allié ». Et elle va pas entrer dans une colère comme elle a fait avec Deleuze et Guattari, qu'on s'entende bien. Mais elle va dire, bon, d'une part, ce qu'elle lui reprochera, et je pense que ça vaut la peine. Donc Derrida se voit un jour vu par sa chatte, et il se voit vu nu. Et c'est intéressant ce thème de la nudité. Et il a honte. Et c'est intéressant ce thème de la nudité parce que les animaux ne peuvent pas être nus puisqu'ils ne sont pas habillés. On ne peut être nu que si on est un jour habillé. Donc ici on peut se connecter évidemment avec l'idée que la nature n'est pas nue. Et c'est très joli le fait que mardi l'émission avec Florence Kemac, on ait commenté justement cette phrase de Donna Haraway qui est la nature ne se découvre pas toute nue. Voilà, c'est ça. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, on est dans la multiplicité des sens de nu. Donc Derrida se dit voilà, j'ai honte d'être nu, etc. Et donc tout ça va bien. Sauf que Donna Haraway dira mais cette petite chatte qui le regarde. Et par laquelle il se sent vu. Ça, c'est. Elle dit c'est génial parce que c'est un coup de tonnerre dans le ciel philosophique, hein, de se voir vu par un animal. Mais Derrida a manqué doublement de curiosité. D'une part, parce qu'on va laisser tomber cette petite chatte, elle n'apparaîtra presque plus dans le texte. Et donc, il n'a pas demandé, mais et elle, qu'est-ce qu'elle pense? Et comment est-ce qu'on se salue? En fait, elle était presque un prétexte, un point de départ. Voilà, c'est ça. Et le deuxième point, c'est qu'il va manquer de curiosité parce qu'il dit personne dans la philosophie et dans les sciences, etc., ne s'est vu par un animal. Et elle dit, ah non, là, c'est pas vrai. Il y a Barbara Schmutz, je peux vous citer le passage. Il y a Gregory Bateson. Il y a quantité de scientifiques qui se sont vus par l'animal. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en effet, elle va lui reprocher de repartir sur l'idée de Bentham. Jérémy Bentham, oui. Jérémy Bentham, la question n'est pas de savoir est-ce qu'ils ont un langage, etc. C'est est-ce qu'ils peuvent souffrir. Et elle dit, c'est là où il y a aussi un manque de curiosité, parce que ces positions font de l'animal de nouveau une victime passive, c'est-à-dire les mettre dans le non-pouvoir. Et alors elle dit, mais il faut chercher le non-pouvoir du non-pouvoir. Alors, je ne vais pas essayer d'expliquer ça, parce que je ne suis même pas sûre d'y arriver, mais elle va utiliser une expression qui est très jolie et qui m'inspire énormément. Elle dit, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt de chercher qui inclut la souffrance, parce qu'elle va dire, ne négligeons pas toutes ces recherches qui ont été faites sur la souffrance, c'est extrêmement important, à condition que les protocoles soient à la hauteur de la question. Alors, il faut voir quels sont les protocoles. Mais d'une certaine manière, ce qu'elle va dire, ce qui moi m'intéresse, c'est plutôt s'il s'agit de faire revenir les animaux, s'il s'agit de redemander à la philosophie de se réintéresser, ou en tout cas de tenir compte, en tout cas de ne pas être ce que Derrida appelait cette méconnaissance, cette ignorance intéressée. Il avait tellement raison. C'est la vitalité expressive. Alors qu'est-ce que ça veut dire la vitalité expressive, je crois que c'est, on pourrait dire presque à la Deleuze, parce que là Deleuze pour le coup il est génial quand Deleuze définit l'éthologie. Je suis pas en train de suivre Harari ici, je suis en train de suivre mon petit bonhomme de chemin. Allez-y. Alors quand Deleuze dit l'éthologie, qu'est-ce que c'est? C'est la science pratique des manières d'être, c'est-à-dire des puissances. Ben je pense que la vitalité expressive, c'est les manières d'être des animaux, en ce compris leur manière de souffrir, en ce compris ce qui les rend faibles et vulnérables. Mais c'est aussi, elle va dire à un moment donné, je reviens à Raoué, la manière dont ils jouent, est-ce que c'est pas hyper important? Est-ce que ça ne définit pas aussi, d'une certaine manière, une manière d'être au monde, un monde animal, leur façon d'être, leur propre puissance? Là, je suis en train de mélanger Deleuze et Harari. Mais finalement, elle inverse, parce que la question de l'utilitariste Jérémy Bentham, enfin sa citation, c'est de dire « la question n'est pas de savoir si les animaux peuvent raisonner, s'ils peuvent parler, mais peuvent-ils souffrir ?» Or, Donna Haraway, en fait, dit, mais je renverse complètement cette perspective-là, dit « je ne suis pas du tout d'accord, finalement, l'idée, c'est pas « peuvent-ils souffrir ?» Oui, ils peuvent souffrir, mais surtout... comment peuvent-ils raisonner et comment peuvent-ils parler? On peut dire qu'en fait qu'elle est déjà en fait dans la question du langage et de la raison des animaux. Alors oui, et alors en tout cas dans le refus de considérer que c'est la raison d'une certaine manière, ou en tout cas de la raison telle que nous la définissons. Donc ça veut dire que ça demanderait qu'est-ce qu'elle appellerait des malentendus sémantiques intéressants. Je suis pas sûre qu'elle le dit tel quel, mais elle parle beaucoup, ou des dérapages sémiologiques. C'est-à-dire de redéfinir peut-être en effet une façon. Là, je vais aller chez Valplumuth parce que je sais plus très bien. Je vais dire Valplumuth, qui est une philosophe australienne absolument extraordinaire, qui a aussi inspiré Donna Haraway, qui est décédée à présent, qui a sorti un très beau livre qui s'appelle Dans l'œil du crocodile. Et qui raconte pourquoi l'œil du crocodile, qui raconte la manière dont elle a été attaquée par un crocodile et que ça a bouleversé toute sa façon de penser, son rapport aux animaux. Pourquoi? Parce qu'elle a réalisé qu'en fait, le scandale pour les humains, c'est de considérer qu'ils pourraient être de la viande pour les autres animaux. Alors, et de remettre ça, de dire, mais pour qui nous prenons-nous, d'une certaine manière? Et Valplumuth dit quelque chose finalement de très intéressant. Finalement, c'est pas grave d'être de la viande pour les autres. À condition qu'on pense bien que nous pouvons être de la viande pour les autres et que l'exceptionnalisme, justement, ne nous fasse pas penser que c'est un scandale que nous puissions être mangés par des autres animaux. Elle dit c'est pas très grave. Enfin, si, c'est grave d'être de la viande pour les autres, mais ce qui importe, c'est qu'on n'est pas que de la viande. Et je pense que c'est de ce côté-là que je me tournerai pour répondre à votre question, parce que je sais plus, je connais pas Donna Haraway par cœur et je suis pas une très bonne exégète, donc je sais pas. Il y a certainement un passage où je trouverai une bonne réponse, mais il ne me vient ni en mémoire, ni en souvenir. Mais c'est déjà une réponse parfaite. Merci beaucoup, Vinciane Després. Je rappelle que de Donna Haraway, on peut donc lire, on en a parlé, Quand les espèces se rencontrent, c'est aux éditions La Découverte, et qu'on peut aussi lire, donc, Le Manifeste des espèces compagnes, c'est aux éditions Flammarion Climat, vous l'avez préfacé, Vinciane Després. Et puis de vous, on peut aussi lire Fabriquer des mondes habitables, dialogue avec Frédéric Dolphin, voilà, aux éditions Esperluette. Et puis Habiter le trouble avec Donna Haraway, des textes que vous avez réunis et présentés avec Florence Kemax et Julien Pierron. Et enfin, L'autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation aux éditions Actes Sud. Merci encore une fois, à bientôt, Vinciane Després. Merci Géraldine. Natacha ne se sent pas très bien. Natacha a perdu son chien. Un dimanche qu'elle se promenait au milieu des grands bois de Rambouillet. Pédo, mon plus fidèle ami, à la chasse au perdu, as-tu perdu la vie? Tout couvert de poils gris.